Seul qui puisse combler tous les désirs de mon cœur. Amour, doudou, avec toi je me sens bien et pour moi tu restes la meilleure. Tu es comme une bombe quand tu te déhanches. À tes côtés je voudrais une chance. Sais-tu ce qui me plaît en toi chérie? T'inquiète pas je vais te le dire. Quand tu te casses dans ta démarche, ton derrière je mets sans tâche. Oui, quand tu me vois tu te casses. Moi je t'avoue que ça passe. Tu me rends plus amoureux. Elles sont sur le plus heureux. Casse les remènes.